Toujours à l'occasion du commencement de la direction du général Kim Jong-il dans la révolution de Sun Gun, le journal laotien Contapasasan Laon et le journal pakistanais Asian Times ont présenté les articles à l'éloge de ses exploits mortels pour la direction de Sun Gun. Le journal laotien a inséré son portrait en sourire. Par ailleurs, le comité national nigérien d'études de Kim Il-sung, Kim Jong-ilisme a donné dans son page d'internet les articles titrés « Leader éternel » et « Journée de Sun Gun de la Corée ».